إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une grande importance qui est la condition que chacun d'entre nous doit remplir afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et accéder à son paradis. Cette condition n'est autre que la foi, celle au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا » Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Ceux qui recherchent l'au-delà, c'est-à-dire ceux qui font prévaloir l'au-delà à ce bas monde qui est éphémère. Ils ne se laissent donc pas tromper par le faux brillant de la vie sur terre, mais ils savent que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et plus durable. Ils fournissent alors les efforts qui mènent à l'au-delà, en accomplissant ce qui est ordonné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et en délaissant ce qui est interdit, tout en étant croyant. Mais dites ici sur cette condition, wa huwa mu'min, tout en étant croyant, c'est-à-dire en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Comme il est venu dans la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le célèbre hadith de Jibril, alayhi salam, lorsque ce dernier l'interrogea au sujet de la foi. Donc ceux qui font prévaloir l'au-delà et qui fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, tout en ayant la foi, alors l'effort de cela sera reconnu. C'est-à-dire que leurs œuvres seront acceptées et qu'ils en trouveront la bonne rétribution auprès de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce verset que celui qui n'a pas la foi, qui ne fait pas partie des croyants, ses œuvres ne seront pas acceptées, aussi nombreuses soient-elles. Il est donc nécessaire pour nous de savoir qu'est-ce que la foi et qu'est-ce qui est attendu de nous afin de faire partie des croyants. En effet, la foi, ce n'est pas simplement une prétention, ce n'est pas simplement une déclaration ou des paroles que tu prononces avec ta langue, mais la foi est également croyance du cœur et acte du corps. Elle est donc parole de la langue, croyance du cœur, acte du corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance et les péchés. Telle est la définition de la foi chez les gens de la sunna, comme le démontrent les textes du Qur'an et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Jibril alayhi salam interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, il l'a défini, comme on l'a vu, en mentionnant ses six piliers, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. La foi en Allah, elle consiste donc à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses trois catégories, dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Tu reconnais donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, le seul à pourvoir la subsistance, le seul à donner la vie et à donner la mort, et qu'il est le Seigneur et le possesseur de toutes choses. Et par conséquent, tu reconnais donc qu'il est le seul en droit d'être adoré. Tu lui voues alors exclusivement le culte, en lui vouant l'ensemble de tes adorations, comme l'invocation, la peur, l'espoir, le sacrifice, le vœu, la demande d'aide ou la demande de secours, mais aussi la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les œuvres qui doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne lui donnes aucun associé dans ses œuvres, pas même un ange rapproché, ni même un prophète envoyé, et encore moins un saint ou un homme vertueux, ni tout autre que parmi les créatures. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il fait partie de la foi en Allah que tu affirmes tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué, ainsi que ce que son messager lui a attribué comme nom et comme attribut. Et tu le purifies de tout ce dont il s'est lui-même purifié, et ce dont son messager l'a purifié comme défaut et imperfection, tout en faisant cela sans assimilation, ni comparaison, ni altération, ni négation, ni interprétation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. » Rien n'est semblable à lui, et il est celui qui entend et qui voit tout. Le deuxième pilier est la foi aux anges, qui consiste à croire en leur existence, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de lumière, et qu'il les a créés pour l'adorer et exécuter ses ordres dans l'univers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, « Bal ibadum mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. » Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Le troisième pilier est la foi aux livres, qui consiste à croire en eux, à croire aux livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, et à croire qu'Allah les a descendus à ses messagers pour guider l'humanité. Les plus immenses sont les trois livres, la Torah, l'Évangile et le Coran. Et le plus immense des trois est le noble Coran qui est venu abroger les livres précédents et qui est le plus grand des prodiges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du Coran, « قُلْ لَئِنْ جَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا » dit, « Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Et les gens de la Sunna croient avec certitude que le Coran est la parole d'Allah, qu'il est descendu et incréé, aussi bien ses lettres que ses sens, et ceci fait partie des fondements de notre croyance. Le quatrième pilier est la foi au messager, qui consiste à croire de manière générale en tous les messagers du premier au dernier, qu'Allah les ait nommés ou non, et de croire de manière particulière au dernier et au sceau des messagers, qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc croire qu'il n'y a pas de prophète après lui. Et quiconque renie cela ne fait pas partie des croyants. Tu dois donc croire et reconnaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire en son message, croire en ses informations, te soumettre à ses ordres et délaisser ses interdits pour faire partie des croyants. Le cinquième pilier est la foi au jour dernier, qui consiste à croire en tout ce qui a lieu après la mort. Parmi ce dont Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont informés, comme le châtiment de la tombe et ses délices, la résurrection, le rassemblement, l'établissement des comptes, la pesée des œuvres, la remise des livres en la main droite ou la main gauche, le pont, le paradis, l'enfer, et ainsi de suite, parmi les choses qui font partie de la foi au jour dernier. Et le fait d'avoir foi en cela doit te pousser à t'y préparer. Te préparer à ce moment. Te préparer à l'épreuve de la tombe. Te préparer à la résurrection. Te préparer au rassemblement. Te préparer à la pesée de tes œuvres. Et tu te prépares à cela en accomplissant des œuvres pieuses et en délaissant les mauvaises œuvres et les péchés. Et s'il t'arrive d'en commettre, par faiblesse ou autre, alors tu t'empresses de te repentir de celle-ci. Le sixième pilier est la foi au destin, qui consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses, passées et futures, qu'il a décrété cela sur la tablette préservée, et que tout ce qui se passe comme bien et comme mal, mécréance et foi, obéissance et désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a certes voulu, décrété et créé, et tu dois croire qu'il aime l'obéissance et déteste la désobéissance et les péchés. Il fait partie de la foi au destin de croire que les serviteurs ont la capacité d'accomplir leurs actes, ainsi que le choix et la volonté de ce qu'ils font comme acte d'obéissance ou de désobéissance. Toutefois, cette volonté est subordonnée au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté, Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Telle doit être la foi du croyant en ce qui concerne la foi au destin. Et cette foi au destin, elle va te permettre de faire preuve de patience face aux épreuves, car tu sauras que celles-ci ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas donc patienter et savoir que tu n'aurais pas pu les éviter. Donc, tu fais preuve de patience et accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Ceux-ci sont donc les 6 piliers de la foi. Et si tu as foi en ces 6 piliers, tu feras alors partie des croyants dont les œuvres seront acceptées et tu en trouveras la rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus ta foi augmentera et se raffermira, plus tu auras le désir de veiller à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le désir de t'écarter de leurs interdits. Et si tu empruntes la voie de la foi et la voie de la droiture, alors tu en récolteras les fruits et les bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les bienfaits de la foi, il y a que le croyant aura une vie heureuse ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « Man amila saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'min » فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque, homme ou femme, œuvre pieusement, tout en étant croyant, en ayant la foi, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant. La foi est donc une condition d'acceptation des œuvres. Celui qui ne fait pas partie des croyants, ses œuvres ne peuvent être acceptées. Et celui qui œuvre pieusement tout en étant croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera vivre une bonne vie. C'est-à-dire que son cœur sera apaisé, il trouvera la sérénité, la stabilité, la quiétude. Il ne sera pas perturbé. Et également Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera ici-bas une subsistance bonne et licite par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Il lui fera vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes, c'est-à-dire dans l'au-delà, en fonction des meilleurs de leurs actions. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera les croyants dans l'au-delà, en leur accordant ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Il lui donne donc belle part ici-bas, et belle part dans l'au-delà. Parmi les bienfaits de la foi également, il y a le fait que le croyant aura sécurité et guidé ici-bas dans l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc ceux qui ont la foi et qui ne mélangent pas leur foi à une quelconque injustice, et la plus grande des injustices est certes le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis en deçà de cela, il y a l'ensemble des péchés. Ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi, et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité et seront eux les bien guidés. Ils seront à l'abri de toute peur et de toute frayeur, ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, ils seront à l'abri du châtiment et du malheur. Ils seront guidés vers le droit chemin. Ils seront guidés sur la voie droite. Ils seront guidés sur la voie de la foi. Également parmi les bienfaits de la foi, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux croyants la parole ferme ici-bas et dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Également parmi les bienfaits de la foi, il y a le fait que les anges implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. Mais dites sur ce bienfait immense. Les anges, ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet « Alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu » يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ceux qui portent le trône, c'est-à-dire les anges, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Ils implorent le pardon pour les croyants. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Telle est l'invocation des anges en faveur des croyants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver du bienfait de cette invocation. Également parmi les bienfaits de la foi, il y a le fait que les démons n'ont pas d'emprise sur le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Il n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire le diable, sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend les croyants, ceux qui placent leur confiance uniquement en lui contre le mal du diable et de ses alliés. Ils n'ont donc pas d'emprise, ils n'ont pas de domination sur le croyant qui place sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala protège les croyants. Et ceci fait partie des bienfaits de la foi. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, « Inna Allaha yudafi'u an alladhina amanu » Allah protège ceux qui croient. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah protège les croyants. Donc, le fait d'avoir la foi te permet d'obtenir la protection du Seigneur de l'univers. Et celui qui est sous la protection du Seigneur de l'univers, il n'a rien à craindre, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Nul ne pourra te nuire si tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en tant que croyant, tu dois avoir la certitude de cela. La certitude de cette parole, la certitude que tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois donc pas craindre les ruses et les stratagèmes des ennemis de cette religion. Ceux-ci sont donc certains bienfaits parmi les nombreux bienfaits de la foi et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous en priver. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les vrais croyants, de raffermir notre foi et de nous faire mourir en pleine soumission. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرًا.